Laisser se dit dejar. Dejar, qui s'écrit D-E-J-A-R. Dejar. Et le mot pour message est recado. Recado. R-E-C-A-D-O. Recado. Alors, comment direz-vous, en utilisant le mot recado, j'ai laissé un message pour vous? He dejado. Bien. He dejado un. Un recado. D'accord. He dejado un recado pour vous. Vous voyez votre interlocuteur. Para usted. Bien. He dejado un recado para usted.